Position, on a essayé toutes les positions. Position, et t'as coché toutes les conditions. Position, on a essayé toutes les positions. Position, position. Mets-toi en position, il faut savoir dire non. La tête dans le guidon, on avait le silence en dit long, ma belle. On s'enferme dans une prison dorée. On s'en va loin d'ici. Les vraies choses sont invisibles. Ici on est qu'en visite. Je sais pas, j'hésite. Position, on a essayé toutes les positions. Position, et t'as coché toutes les conditions. Position, on a essayé toutes les positions. Position, et t'as coché toutes les conditions. Position, on a essayé toutes les positions. Position, position. Mets-toi en position, il faut savoir dire oui. Quand je t'ai vu, t'étais si jolie. Tu n'as aucun synonyme. Je te contrôle comme un petit bolide. T'es comme Mona Lisa. Le regard rempli d'histoire. Dis-moi, t'as peur de quoi? Pourquoi t'as peur de moi? Position, on a essayé toutes les positions. Position, et t'as coché toutes les conditions. Position, on a essayé toutes les positions. Position, position. Mets-toi en position. Position, on a essayé toutes les positions. Position, et t'as coché toutes les conditions. Position, on a essayé toutes les positions. Position, position. Mets-toi en position.